Le guignon. Pour soulever un poids si lourd, Sisyphe, il faudrait ton courage. Bien qu'on ait du cœur à l'ouvrage, l'art est long et le temps est court. Loin des sépultures célèbres, vers un cimetière isolé, mon cœur, comme un tambour voilé, va battant des marches funèbres. Main joyau d'or enseveli dans les ténèbres et l'oubli, bien loin des pioches et des sondes. Mainte fleur épanche à regret son parfum doux comme un secret dans les solitudes profondes.